بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى كي نوزا كومبلي de cette rencontre en cette nuit du 28 Rajab 1441 qui correspond au 22 mars 2020 sur les ondes de la radio Taqwa. Qu'Allah récompense ceux qui sont à l'origine de cette radio. Notre assise de ce soir, c'est pour s'instruire sur un sujet d'une grande importance dans notre religion et dans l'état actuel des choses. Car Taqwa, c'est la religion complète. C'est la foi complète, c'est la bienfaisance, c'est l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a intimé à l'humanité entière. « وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ » Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit ceci: « Nous vous avons ordonné ainsi qu'à ceux qui ont reçu le livre avant vous, le fait de préserver les droits d'Allah. » Le fait de préserver les droits d'Allah Azza wa Jal. Taqwa, c'est la cause de la délivrance. C'est la cause, c'est un des moyens pour nous sortir de notre, des impasses et des difficultés. Qala Azza wa Jal, wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Il est dit dans la traduction approximative de ce verset, celui qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite ses situations. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ. Et dans ce deuxième verset, dans la traduction approximative du sens du verset, celui qui préserve les droits d'Allah, Allah lui ouvrira une issue et lui donnera sa subsistance de là où il ne l'attend pas. Concrétiser taqwa est un des moyens pour nous délivrer par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de la situation que nous vivons actuellement. Car c'est mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir, et c'est le fait de s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Nous allons nous instruire sur ce sujet à partir d'une conférence de notre noble cheikh, de notre noble érudit cheikh, Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala. Cette conférence qu'il a donnée à Umm al-Bawaqi dans l'est algérien, à 500 km d'Alger et à 160 km de la côte méditerranéenne, il l'a donnée le vendredi 7 Sha'ban 1432, il y a presque 10 ans maintenant. Le titre de cette conférence, At-Taqwa, Haqiqatuha, Haqiqatuha wa Atarut Haqiqiha. La réalité de la taqwa et l'impact de sa concrétisation. Ce noble, il dit Hafidhahullah Ta'ala, après l'introduction du besoin, ce noble et immense mot, beaucoup parmi nous ne connaissent pas la signification réelle de ce mot. Parle de taqwa. Et partant de là, ils ne savent pas l'impact de sa concrétisation et les bienfaits qui en découlent dans ce bas monde et dans le delà. C'est quoi taqwa qu'Allah nous a ordonné dans ce verset? Qala azza wa jalla wa iyaya fattaqun. La traduction approximative: vous devez préserver mes droits. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah comme il se doit. Que signifie haqqa tuqati? Que signifie préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Et c'est quoi taqwa dans la parole d'Allah? Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Et c'est quoi taqwa dans le verset qui nous dit ceci dans la traduction approximative du sens du verset? Faites vos provisions. Et la meilleure des provisions est ton taqwa. Et c'est quoi taqwa dans ce verset? Walibasu taqwa dhalika khayr. La traduction approximative du sens du verset, le meilleur des vêtements pour le croyant, c'est taqwa, c'est le fait de préserver les droits d'Allah. Et il dit, Hafidhahullah, Allah a décrété qu'il n'accepte aucune œuvre sans taqwa. C'est quoi taqwa? Il dit dans le verset, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Certes, Allah n'accepte que de ceux qui préservent les droits, que des muttaqin, ceux qui concrétisent taqwa. C'est quoi cette taqwa qui mène vers cette situation dans ce verset? إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ. C'est quoi taqwa qui va amener à cette place qui est citée dans ce verset, dont la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci. Les pieux seront dans des jardins parmi des ruisseaux, dans un séjour véridique auprès d'un souverain omnipotent. Wa qala azza wa jal, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Et dans l'autre verset, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, les pieux ont le grand succès des jardins et des vignes. C'est quoi la taqwa concernée par ce verset? Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Hein? C'est quoi taqwa qui est cité dans ce verset, dans la traduction approximative du sens nous dit ceci. Tous, vous allez passer sur le feu, sur le pont, plutôt sur le pont Sera, dressé sur le feu de l'enfer, car c'est une sentence pour ton Seigneur irrévocable, et ne sauveront ceux qui étaient pieux, c'est-à-dire le Muttaqin, et nous y laisseront les injustes agenouillés. C'est quoi ta quoi? Cité et ordonné dans beaucoup de versets, et beaucoup de versets avertissent aussi contre le fait de délaisser taqwa. Et beaucoup de biens et de belles récompenses sont pour le muttaqin, pour ceux qui concrétisent taqwa. Et beaucoup parmi nous disent à leurs frères, ittaqillah, préserve les droits d'Allah. Beaucoup de gens utilisent cette phrase, ittaqillah. C'est quoi la signification de ce mot? C'est quoi sa réalité? Et quel rapport avaient nos pieux prédécesseurs, les nobles compagnons et leurs successeurs avec ce noble et immense mot qui est taqwa? Je dis, il dit Abdallah, je dis qu'Allah vous bénisse. Et là, il va nous citer une situation qui nous montre comment Salaf, Ridwanullahi alayhim, était avec ce terme taqwa. Et comment il le comprenait. Et c'était quoi la signification pour eux. Il a dit, Hafidhahullah, quand il y a eu la fitna de Abdurrahman ibn al-Ash'at. Abdurrahman ibn al-Ash'at, un des commandants de l'armée Umayyad, qui était sous l'autorité de l'Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. L'Hajjaj l'a utilisé comme préfet sur Sijistan. Sijistan, dont une partie se trouve à l'est de l'Iran et l'autre partie au sud de l'Afghanistan. Et l'Hajjaj l'a envoyé là-bas avec la mission de tuer Ratbil, le roi turc mécréant, et de conquérir le pays et autres missions. Il lui a confié d'autres missions. Abdurrahman ibn al-Ash'at n'aimait pas l'Hajjaj. Et l'Hajjaj aussi. Ils ont une grande haine l'un envers l'autre. De par cette grande haine qu'avait l'Hajjaj contre ibn al-Ash'at, ibn al-Ash'at contre l'Hajjaj, l'Hajjaj l'a éloigné du calife de cette époque, Abd al-Malik ibn Marwan. Il l'a envoyé vers Sijistan. Et chacun d'eux attendait l'occasion pour sauter sur l'autre. Chaque jour qu'Ibn al-Ash'at voyait l'Hajjaj, il n'avait qu'une envie, c'est de le tuer. Et l'Hajjaj de même. Ils avaient la haine à ce point-là entre eux. Et quand Abdelrahman ibn al-Ash'ad a démarré son voyage, il a été arrêté par le froid et par la neige, par le froid et la neige de l'hiver, dans une région avec son armée. Et ils s'y sont installés après l'avoir conquise. Et puis, Abdelrahman ibn al-Ash'ad a envoyé une lettre à son chef, à son commandant, à son supérieur, le Hajjaj, lui annonçant qu'ils vont rester là jusqu'à la fin de l'hiver pour que l'armée puisse récupérer ses forces et son énergie et pour pouvoir continuer le combat et le voyage. Le Hajjaj a profité de cette occasion et a envoyé une lettre, une sale lettre à Abdelrahman ibn al-Ash'ad, où il le blâme, où il le traite de peureux, de faible, de lâche. Et le Hajjaj a utilisé des expressions humiliantes. Et ceci s'est heurté à la haine qu'avait Ibn al-Ash'ad contre le Hajjaj. Et le Hajjaj, durant ce temps-là, n'a cessé de lui envoyer des messages où il le blâme, où il l'humilie. Le Hajjaj a trouvé une voie pour rabaisser Ibn al-Ash'ad, pour l'humilier. Ibn al-Ash'ad, un jour, a réuni les soldats et leur a dit, le Hajjaj dit ceci, il dit cela, qu'est-ce que vous voulez faire? Les soldats n'ont pas accepté les humiliations de le Hajjaj et ils l'ont plus reconnu comme leur chef. Donc ils se sont révélés, ils sont sortis de son autorité et ils se sont révélés contre lui et ne lui voient plus d'obéissance. Et là, Ibn al-Ash'ad, au lieu de diriger l'armée vers le roi Ratbil pour le combattre et conquérir son pays, il a fait demi-tour vers le Hajjaj pour combattre le Hajjaj. Toute l'armée s'est retournée contre le Hajjaj. Toute l'armée qui était avec Ibn al-Ash'ad. Et un jour, sur la route, pour revenir vers le Hajjaj, le père d'Ibn al-Ash'ad, qui est Muhammad Ibn al-Ash'ad, le fils il s'appelle Abdelrahman, le père s'est levé et a fait une khutbah, une exhortation aux troupes. Et il a dit aux troupes, nous avons destitué le Hajjaj de son imara obligatoire, qu'on destitue son chef supérieur, qui n'est autre que le calife Umayyad Abdelmalik ibn Marwan. Et là, ils ont destitué aussi le pouvoir de l'Hajjaj. Donc, ils reconnaissent ni le pouvoir de l'Hajjaj, ni le pouvoir du calife. Et donc, ils les ont destitués tous les deux. Ils se sont rebellés contre les deux. Et ils se sont dirigés vers le combat contre l'Hajjaj et son armée. Et il y a eu beaucoup de batailles entre eux. Et souvent, c'est Ibn al-Ash'ad qui est vainqueur. Mais à la fin, le Hajjaj a eu le dessus sur Ibn al-Ash'ad et il l'a vaincu. Et cette fitna, qu'Allah vous bénisse, un certain nombre parmi les vertueux et les hommes de science s'y sont associés. Car le Hajjaj était connu pour sa tyrannie, pour son injustice et par le fait de couler beaucoup de sang de vertueux et beaucoup de sang de gens de bien. Le Hajjaj faisait exprès de retarder la prière du Jumu'ah. Et il a maltraité les musulmans. Un homme lui a dit, regarde ce que tu as fait à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regarde ce que tu leur fais subir. Et regarde la réponse du Hajjaj. C'est une noble réponse d'un crack. Il a dit, certes, je suis un fléau qu'Allah vous a envoyé à cause des innovations que vous avez fait dans la religion d'Allah. Et quand vous avez innové et délaissé la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a envoyé pour vous éprouver. Méditons cette parole de ce grand tyran. Il a dit, Certes, je suis un fléau qu'Allah vous a envoyé à cause des innovations que vous avez faites dans la religion d'Allah. Et quand vous avez innové, délaissé la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a envoyé pour vous éprouver. Hein? Et regardez ce que certains ont innové dans les pays de l'islam à sortir en masse, désobéissant ainsi à leur gouverneur et invoquant Allah subhanahu wa ta'ala avec des invocations en masse dans les ruelles, que ce soit en Afrique du Nord, Tanger et un petit peu partout en Égypte et partout. Et dans cela il y a le fait de diminuer de la taqwa, et fait partie de la taqwa le fait de préserver les droits d'Allah en obéissant au gouverneur dans l'obéissance à Allah, car ça fait partie du fait d'obéir au gouverneur, en obéissant au gouverneur, on obéit à Allah Azza wa Jal, vu qu'il n'a recommandé que les choses qui sont conformes avec la religion d'Allah et avec la sunna de son messager alayhi salatu salam, qui est le fait de s'isoler et le fait de se mettre à la quarantaine pour ne pas attraper la maladie ou pour ne pas la donner aux autres. Et comment on veut que cela se dissipe si on rencontre cela avec la désobéissance à Allah, avec l'innovation de la religion d'Allah? Regardez ce qu'a dit ce tyran. Certes, je suis un fléau qu'Allah vous a envoyé à cause des innovations que vous avez faites dans la religion d'Allah, et quand vous avez innové et délaissé la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a envoyé pour vous éprouver. Cheikh Abdallah, il dit, la situation ne peut pas être autrement. L'imam Ibn Sirin, rahimahullah, a entendu un homme faire dua contre le Hajjaj. Il lui a dit, comme il est rapporté dans le Musannaf l'Ibn Abi Shayba, il lui a dit, Allah est un juge juste. Il prend le droit du Hajjaj de ceux qui lui ont ôté son droit. Et il prend du Hajjaj les droits de ceux sur qui il a commis des préjudices. Alors ne sois pas injuste. Ainsi a parlé Ibn Sirin à cet homme qui faisait dua contre le Hajjaj. Le Hajjaj Ibn Yusuf a maltraité la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a tué beaucoup d'hommes de bien, beaucoup de savants, beaucoup de vertueux. Parmi eux, le grand savant, il a tué le grand savant Saïd Ibn Jubayr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et il a tué d'autres grands imams de la science et d'autres grands vertueux de la communauté. Et quand la situation de l'Hajjaj est devenue insupportable, certains savants et certains vertueux ont accepté d'être dans les troupes d'Ibn al-Ash'at pour combattre l'Hajjaj. C'est pour ça, il a été dit à Ibn al-Ash'at, si tu veux que les gens combattent avec toi comme ils ont combattu autour de Aïcha, le jour de la bataille du chameau, fais sortir avec toi l'Hassan al-Basri. Car l'Hassan al-Basri avait une grande place dans la communauté. L'Hassan al-Basri jouissait d'une grande estime chez les gens. Et c'est un modèle pour les gens. D'où ce conseil, si tu veux que les gens soient de ton côté, prends avec toi l'Hassan al-Basri. Car les gens ont confiance en ce grand imam. Et ils sont allés, ils ont ramené l'Hassan al-Basri par force. Ils ne voulaient pas, rahimahullah. Et quand ils le conduisaient, rahimahullah ta'ala, alors qu'il était enchaîné, il s'est jeté dans le fleuve pour ne pas rentrer dans la fitna. Ils l'ont sorti du fleuve, rahimahullah, comme il est rapporté dans Tabaqat ibn Sa'd. Cette fitna aveugle a emporté beaucoup de monde, et certains diront, les nuits de cette fitna ont disparu. Une certaine nuit qui a été appelée Laylat d'Agil, d'Agil c'est une région en Irak, Laylat d'Agil, beaucoup ont disparu durant lors de cette nuit-là, la nuit d'Agil, qui est une région en Irak. C'est pour ça qu'on trouve dans la biographie de certains imams, de certains hommes de science, qu'il est porté, disparu la nuit de Dajjal. Et on ne sait pas s'il est mort cette année-là ou il est mort après. Et fait partie de ceux-là qui ont disparu, Abu Ubaida ibn Abdillah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa an abi, et d'autres grands hommes de science. Et d'autres grands de science, d'autres hommes de science, et d'autres vertueux ont disparu cette nuit-là. Et on sait ce qu'il y a comme perturbation dans le combat. On déguise le vrai avec le faux, et le faux avec le vrai. Alors que le verset dit, « وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Parmi ceux qui sont sortis avec Ibn al-Ash'at à cette époque, le grand imam, Amr ibn Sharahi al-Sha'bi, réputé par le nom Sha'bi. Mais, rahimahullah, il s'est repenti et a imploré son pardon pour sa rébellion et sa sortie avec Ibn al-Ash'at. Ces vertueux parmi les savants sont sortis avec Ibn al-Ash'at et cela a causé la perturbation de la masse qui sont commencés à se poser des questions. On sort avec Ibn al-Ash'at ou alors on patiente face à l'injustice et la tyrannie du Hajjaj. Est-ce qu'on se comporte avec conformément aux preuves du livre et de la sunnah qui ordonnent la patience face à l'injustice et à la tyrannie des gouverneurs? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ainsi, ils étaient perturbés ainsi, les gens de la masse. À ce niveau, il dit, Habidahullah, et je vous rappelle, et le rappel fait du bien en croyant qu'Abdullah ibn Omar, comme il est rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, quand on lui a rapporté que l'allégeance a été donnée à Yazid ibn Muawiya, qu'est-ce qu'il a dit, radiyallahu anhu arda? Il a dit, si c'est un bien, on remerciera Allah, et on louera Allah, et si c'est un mal, on patiente. Si c'est un bien, on loue Allah, on remercie Allah, on sera reconnaissant à Allah, et si c'est un mal, on patiente. Ça, c'est le comportement juste, ordonné par la législation, avec les gouverneurs injustes et tyrans. Il dit, Habidahullah, Cheikh Abdallah, l'essentiel, les gens sont venus dans cette fitna d'Ibn al-Ash'at. Les gens sont venus voir Talq ibn Habib. Il dit, ce texte que je vais citer, l'imam Abdallah ibn al-Mubarak l'a cité dans son livre Zuhd. Et Hannad ibn Sirri l'a cité aussi dans son livre Zuhd. Ibn Abi Shayba l'a cité dans le Musannaf et dans son livre l'Iman. Et Abu Nu'aym l'a cité dans l'Hilya avec une chaîne de transmission authentique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre tous de sa sainte miséricorde. L'expression est ainsi. Quand il y a eu la fitna d'Ibn al-Ash'at, les gens sont venus voir Talq ibn Habib et lui ont dit, que devons-nous faire? Il leur disait, éteignez-la avec taqwa, ou repoussez-la avec taqwa dans une autre version. Éteignez-la avec taqwa, ou repoussez-la avec taqwa. Il en est ainsi, dit Fitan, ils ont besoin d'être éteints, ou repoussés par taqwa, car si on l'éteint pas, avec taqwa, ils augmentent, ils se propagent, et tuent. Et le tué ne sait pas pourquoi il a été tué, et le tueur ne sait pas pourquoi il tue. Il a dit, rahimahullah, repoussez-la avec taqwa, ou éteignez-la avec taqwa. Et comme il leur a répété plusieurs fois, ils lui ont dit, décris-nous taqwa, Vu que tu n'as pas cessé de nous en parler, de nous conseiller de taqwa, dis-nous ce que ça veut dire. Il a dit, rahimahullah, at-taqwa, c'est œuvrer par obéissance à Allah, avec lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Et taqwa, c'est aussi délaisser la désobéissance à Allah, avec lumière venant d'Allah, en ayant peur du châtiment d'Allah. Regardez cette définition de taqwa, c'est mettre en application les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par obéissance à Allah. Avec lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Et taqwa, c'est aussi délaisser la désobéissance à Allah avec lumière venant d'Allah en ayant peur du châtiment d'Allah. Et ça, c'est taqwa avec laquelle il les a conseillés. C'est ce qu'il leur a conseillé, mettre en application les ordres d'Allah avec preuve et avec lumière venant min Allah, en espérant la récompense d'Allah. Et délaisser la désobéissance à Allah avec lumière venant d'Allah en ayant peur du châtiment d'Allah. Ça, c'est la limite de la taqwa. Ça, c'est sa définition. Ça, c'est la réalité de la taqwa. Mettre en application les ordres d'Allah et s'abstenir de ce qu'il a interdit en espérant les récompenses d'Allah et en ayant peur du châtiment d'Allah. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dont Tabouki a dit concernant cette définition. Ibn al-Qayyim, c'est l'expert en la matière. Il a dit, rahimahullah, concernant cette définition de Talq ibn Habib, c'est la meilleure limite et la meilleure des définitions qui a été donnée à taqwa. C'est la meilleure des définitions et la meilleure des limites qui a été donnée à taqwa. Et lui, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, c'est l'expert. Et il a décrit cette définition, hein, par ce terme. C'est la meilleure définition qui a été donnée à taqwa. Cheikh Abdallah dit, les définitions concernant taqwa sont nombreuses. Mais celle-ci est la meilleure. Et elle est la synthèse de toutes les définitions. Et cette définition qu'a donnée Talq ibn Habib a été citée par l'imam exégète Ibn Kathir, rahimahullah, dans l'explication du verset Wa iyyaya fattaqun. La traduction approximative du sens du verset, c'est moi à qui vous devez préserver les droits. Donc Ibn Kathir l'a cité confirmant cette définition. Donner à taqwa. Le mémorisateur Dahabi, rahimahullah, l'a cité dans Siyar al-Alam Nubala, dans la biographie de Talq ibn Habib, en disant de Talq ibn Habib, il a été excellent et concis au niveau de cette expression. Il a été excellent et concis au niveau de cette expression. Quelle expression? Cette définition qu'il a donnée à taqwa, rahimahullah. Et Dahabi, il a dit, il n'y a pas de taqwa sans œuvre, et pas d'œuvre sans science et suivi. Tout ceci ne servira qu'avec la sincérité pour Allah, et non pas pour qu'on dise que tel a délaissé les désobéissances avec la lumière de la science, car pour les éviter, il faut les connaître. Et les délaisser doit être, et le fait de délaisser doit être par peur d'Allah, et non pas pour recevoir des éloges. Et celui qui met constamment ce conseil, il a gagné. Quel conseil? Taqwa. Mettre en application les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et s'abstenir de ce qu'il a interdit, avec espérant la récompense min Allah, et ayant peur du châtiment d'Allah, il accomplit tout ça dans le suivi et dans la sincérité. Cheikh Abdallah, Habidahullah, nous dit, ce sont là certains commentaires des grands savants concernant la définition de la taqwa qu'a donné Talq ibn Habib. Et ce sont là leurs confirmations que c'est une excellente définition concise et bénéfique. At-taqwa, il dit Hafidhahullah, concise et bénéfique de la définition de taqwa. Il dit Hafidhahullah, prenons maintenant le sens de la taqwa pour comprendre haqqatuqate, comme ses droits doivent être préservés. Haqqatuqate. Il dit, prenons maintenant cette définition pour comprendre cela. Il a dit, rahimahullah, at-taqwa, c'est d'accomplir l'obéissance. Donc il dit, hafidhahullah, donc il contient les œuvres. Ce n'est pas seulement des paroles. Mettre en œuvre les bonnes œuvres et les ordres d'Allah et obéir à Allah. Mais pas n'importe quelle œuvre, mais une œuvre qui te rapproche d'Allah. Une œuvre qui fait partie de l'obéissance à Allah. Mettre en œuvre l'obéissance à Allah. Et cela englobe toutes les œuvres qui te rapprochent d'Allah, qu'ils soient obligatoires, surrogatoires, au niveau de la charité, au niveau de la prière, au niveau de la zakat, au niveau de l'aide aux pauvres et autres. Au niveau du fait d'enseigner le Coran, de propager la science et le bien. Tout ça rentre dans quoi? Dans taqwa. Et rentre dans mettre en œuvre l'obéissance à Allah, c'est-à-dire obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et œuvrer comme le veut Allah et comme l'a ordonné Allah. L'expression l'obéissance à Allah englobe toutes les obligations et les surrogatoires. Il englobe toutes les obligations et les surrogatoires et les surrogatoires qui vont te rapprocher d'Allah. Donc, taqwa, c'est des œuvres. Taq ibn Habib a dit, rahimahullah, mettre en œuvre l'obéissance à Allah. Avec lumière venant d'Allah. Qu'est-ce qui est voulu avec la lumière? Et si ça veut dire la science, cette œuvre que tu dois accomplir doit être basée sur la science. Quelle science? La science du livre de la Sunna, bien sûr. Qala Azza wa Jal, Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab. Yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم. La traduction approximative du sens du verset. Ô gens du livre, notre messager, c'est-à-dire Mohammed alayhi salatu salam, vous est certes venu pour vous éclairer sur ce que vous cachiez du livre et passant sur beaucoup de choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah par ceci, c'est-à-dire le Coran. Allah guide le chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Et il dit, Hafidhahullah, la lumière dans le verset, c'est la science. Donc l'œuvre doit s'accomplir sur la science. C'est pour ça que les savants disent que la science est une condition pour l'authenticité de l'œuvre. La science est une authenticité pour, est une condition pour l'authenticité de l'œuvre. D'où l'imam al-Bukhari rahimahullah a dit en ouvrant son livre La science dans l'authentique a dit chapitre La science avant la parole et les œuvres. Et puis il a cité le verset. Qala azza wa jal, fa'alam annahu la ilaha illallah, wa staghfir li dhanbika wa lil mu'minin. Fa'alam annahu la ilaha illallah, wa staghfir li dhanbika wa lil mu'minin. Il a dit, il a commencé Le verset, il dit, dans la traduction approximative du sens du verset, « Sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Repends-toi de tes péchés et demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour toi et pour les croyants. » Et le Bukhari a dit, rahimahullah, il a commencé avec la science avant l'œuvre. Donc les œuvres à l'origine et à la base doivent être basées sur la science. Cheikh Abdallah, il dit, intabih, fais attention, intabih, pas n'importe quelle science, la science authentique, basée sur les deux révélations, le livre et la sunna, qui est sorti de la bouche du messager alayhi salatu wassalam. Ce messager qui n'a pas parlé sur l'effet de la passion. قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, il ne parle pas sur l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Il dit Habibullah, ça c'est la science qui sauve et qui éclaire le chemin. Il n'y a aucune lumière que celle-ci et aucun chemin que celui-là. قال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. Il est dit dans le verset cité ici, si vous lui obéissez, vous allez être guidé. Obéir à qui? Au messager عليه الصلاة والسلام. وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Et il est dit dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens du verset, certes tu guides vers la voie droite. Il dit, Habibullah, il n'y a aucune lumière que celle-ci et aucun chemin que ce chemin. La lumière du livre et de la sunna est le chemin du messager alayhi salatu salam. Il dit, Habibullah, ô bien-aimé, la science, quelle science? La science authentique basée sur le livre et la sunna. Et cette science va disparaître avec la disparition des hommes de science. Dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans les authentiques, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ يُفْتِي انْتَبِهْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Il a cité, Habibullah, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, cité dans chez l'imam Bukhari, chez l'imam Muslim, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'arrachera pas la science des hommes de science, mais il fera disparaître la science avec la mort des hommes de science. Et quand il restera plus d'hommes de science, les gens vont prendre comme leader des ignorants à qui ils vont poser des questions. Ces ignorants vont émettre des fatwas sans science. Regarde, déchire, fais attention ici. Ils émettent des verdicts et des fatwas sans science. Et ils vont s'égarer et ils vont égarer. Allah n'arrache pas la science des gens, mais par le biais, il l'a fait disparaître par le biais de la mort des savants. Et au moment où il ne restera plus de savants, les gens vont prendre comme leaders les ignorants à qui ils vont poser des questions et ils vont leur émettre des fatwas sans science. Ils s'égarent et égarent les autres. Il dit, Habibullah, fais attention à cela. Ils émettent des fatwas sans science. Qu'Allah nous en préserve. La science qui sauve, c'est la science de la révélation. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans son noble livre, Al-Fawa'id, les hautes aspirations dans la demande de la science, c'est le fait de demander la science du livre et de la sunna, et de comprendre ce qui vient d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Comprendre ce que veut Allah et ce que veut son messager, alayhi salatu wassalam. Et avoir la science de ce qui a été révélé, descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit les hautes aspirations dont la demande de la science, c'est de chercher la science du livre et de la sunna. Car c'est une obligation. Cela t'a été ordonné. Et frère en Allah, Azza wa Jal, qu'on profite de cette confination, d'être confiné chez soi, pour apprendre la religion d'Allah, Azza wa Jal, et pour maîtriser les devoirs individuels, les devoirs que nous devons accomplir durant les 24 heures. Et si nous sommes commerçants, qu'on maîtrise les règles du commerce, qu'on maîtrise les droits de nos épouses, de nos femmes, et ainsi de suite. Et pour ce faire, évidemment, on ne peut pas y arriver comme ça, avec le français et avec les traductions. Ce ne sont qu'une béquille. Comme les béquilles qu'on prend celui qui il y a du plâtre au pied. Une fois à la rééducation, nous devons il revient à marcher normal. Et comme il est obligatoire de comprendre ce que veut Allah et de comprendre ce que veut le messager alayhi salatu wassalam, les hommes de science disent le moyen avec lequel on arrive à une obligation devient lui-même une obligation. Qu'on profite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre les portes du bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre la porte de la science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine vos cœurs, qu'on profite de ces moments pour apprendre l'arabe, pour maîtriser la langue du Coran, la langue du messager alayhi salatu wassalam, pour être à l'aise à la lecture du livre d'Allah, pour être à l'aise devant la parole des hommes de science et à comprendre leurs explications et à profiter de l'héritage que nous avons eu de ce grand homme de science. Regardez ce grand héritage dans le livre d'Al Fawaid ou dans le livre du Dawa. Regardez ce trésor qu'il y a dedans. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, qui a un goût particulier. C'est pour ça que les hommes de science, la science pour eux, c'est un jardin. C'est comme un parc dans lequel ils prennent leur plaisir. D'où l'appellation de beaucoup de livres par des noms de jardins. Riyad Salihin, Ar-Rawd al-Unuf, Ar-Rawd al-Murbi' et ainsi de suite. Bustan al-Arifin, Riyad al-Jannah. Et donc, il est obligatoire pour nous la science du livre et de la sunna. Qala Azza wa Jal, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, suivez ce qui vous a été descendu de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autre allié que lui. Prenons Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh, il dit, et tous les serviteurs vont être questionnés sur deux choses. Qu'est-ce que vous avez adoré? Qu'est-ce que vous adoriez? C'est-à-dire dans ce bas monde. Et qu'est-ce que vous avez répondu au messager? La première question, sa réponse, c'est par l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah et de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième question, sa réponse, c'est par le suivi du messager alayhi salatu salam. Et ce que j'ai cité, il dit Habidallah, ce que j'ai cité là, c'est une vérité. Ibn al-Qayyim l'a cité dans des passages de ses livres, dans l'introduction de Zad al-Ma'ad, dans son livre Jima' al-Jus Islamia et dans d'autres de ses livres. Donc les hautes aspirations dans l'apprentissage, c'est la demande de la science du livre et de la sunna et de comprendre ce que veut Allah et ce que veut son messager alayhi salatu wassalam. Il dit Hafidhahullah, ce qui est demandé, ce n'est pas ta compréhension. Ce qui est demandé, ce n'est pas ma compréhension. Ce n'est pas la compréhension de tel ou de tel. Ce qui est demandé, c'est que tu comprennes ce que veut Allah et ce que veut son messager alayhi salatu wassalam, pour que tu adores Allah avec clairvoyance. Et cela prouve que cette compréhension doit être en conformité avec la compréhension des nobles compagnons et des pieux prédécesseurs de cette communauté qui, et des pieux prédécesseurs de cette communauté qui sont sur la voie de ces nobles compagnons d'Allah alayhim. Ne t'écarte pas de leur compréhension. Ne t'écarte pas de leur position. Ne t'écarte pas de leurs paroles. Ne t'écarte pas de leurs avis. C'est ça la compréhension de ce que veut Allah et son messager. C'est cette compréhension transmise par les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et puis Ibn al-Qayyim a dit de connaître les limites de ce qui a été descendu. Pourquoi? Car ces choses qui sont descendues, qui sont révélées, ils ont des définitions et des limites. Car il est dit dans le verset, قَالَ عَزَّ وَجَلْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, cela, ce sont les limites d'Allah, ne les dépassez pas. Dans l'autre verset, tilka hududullah fala taqrabuha. Dans l'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci. Ça, ce sont les limites d'Allah, ne les approchez pas. Dans l'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci. Wa man yata'adda hududallah faqad dhalama nafsah. Celui qui dépasse les limites d'Allah, il a commis des préjudices sur lui-même. Et il a été injuste avec lui-même. Il dit, Habidahullah, la connaissance de la limite de ce qui a été descendu, où tu dois t'arrêter, qu'est-ce que tu dois dire, quand est-ce que tu dois parler, quand est-ce que tu dois te taire. Et il dit, oh bien-aimé, vous voyez, vous entendez beaucoup qui font des verdicts, et qui dessertent à travers les chaînes de télé et à travers le net ou autres, et beaucoup de gens se font avoir par eux alors qu'ils ne connaissent pas les limites de la révélation. Beaucoup parmi ceux-là parlent de ce qu'ils ne connaissent pas et ils font tomber les gens dans le fitan et ils font tomber les gens dans les épreuves. Ils font tomber les gens dans la haine. Et ils font tomber les gens dans les massacres et autres. N'est-ce pas la situation? N'est-ce pas que la situation, elle est ainsi? Oh frères en Allah, regardez devant vous la réalité. La réalité est un témoin. La réalité est un réel témoin. Et un bon argument. Et il dit, Habidallah, donc taqwa. C'est obéir à Allah avec lumière venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Le motif de l'œuvre, ce n'est pas pour être complimenté par les gens. Tel fait partie de ce que préserve les droits d'Allah. Tel fait partie du muttaqin. Regardez-le, il donne la nourriture. Regardez-le, il leur donne le bien. Regardez-le, il honore l'invité. Regardez-le, c'est un vertueux. Regardez-le, il jeûne. Il accomplit des prières nocturnes. Regardez-le, il fait. Cela, tu ne dois pas le faire pour que tu sois complimenté par les gens. Et on arrête là, Inch'Allah. Et on terminera tout à l'heure à partir de 21h30, Inch'Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallah.